Ici Jacques Beauchamp. Aujourd'hui, l'histoire Ben Bradlee, icône du journalisme aux États-Unis, l'homme derrière le scandale du Watergate. Moi, je m'en fous en tant que journaliste qui est le président. On ne s'occupe pas ici d'un cambriolage simple. Ce n'est pas ça. C'était le début, c'était ce qu'on voyait, mais l'affaire Watergate, c'est beaucoup plus que ça. Le rédacteur en chef du Washington Post, Ben Bradlee, à l'émission Actualité 24, le 17 avril 1973. En avril 1973, l'étau commence à se resserrer dangereusement autour du président américain Richard Nixon dans ce qu'on a appelé l'affaire du Watergate, un scandale révélé grâce à une enquête réalisée par les journalistes du Washington Post. Le scandale aura finalement raison du président Richard Nixon, qui sera forcé de démissionner en août 1974. Le scandale du Watergate, comme la publication des célèbres Pentagon Papers en 1971 vont faire du rédacteur en chef du Washington Post, Ben Bradlee, une véritable légende du journalisme aux États-Unis. Benjamin Crown and Shield Bradlee. A veteran of World War II and more than a dozen Pacific battles. Vétéran de la Seconde Guerre mondiale et de plus d'une douzaine de batailles dans la guerre du Pacifique, Ben Bradlee a pratiqué le métier de journaliste avec la même intensité et le même dévouement. Depuis son entrée au Washington Post il y a 65 ans, il a transformé ce journal en l'un des meilleurs au monde. 65 years ago, he transformed that newspaper into one of the finest in the world. With Ben in charge, The Post published the Pentagon Papers. Et avec Ben à sa tête, le Post a publié les fameux Pentagon Papers, qui révélaient la véritable histoire des Américains impliqués dans la guerre au Vietnam. Il a révélé le scandale du Watergate, a ouvert une nouvelle ère du journalisme d'investigation en responsabilisant les dirigeants américains et en rappelant que notre liberté en tant que nation repose sur notre liberté de presse. Our freedom as a nation rests on our freedom of the press. When Ben retired, Senator... Lorsque Ben a pris sa retraite, le sénateur Daniel Patrick Moynihan a illustré dans un poème l'admiration qu'éprouvent beaucoup de gens pour lui. « Oh, rare Ben Bradlee, son règne a cessé, mais sa nation est debout et sa force a augmenté. » Oh, rare Ben Bradlee, his reign has ceased, but his nation stands, its strength increased. Le président Barack Obama, le 20 novembre 2013, au moment où il remet à Ben Bradlee la médaille présidentielle de la liberté, pour nous présenter le parcours exceptionnel de cette légende du journalisme américain qui est devenu Ben Bradlee, je reçois Karine Prémont, qui est professeure, collaboratrice régulière à l'émission et professeure à l'École de politique appliquée de l'Université de Sherbrooke. Karine Prémont, bonjour. Bonjour, Jacques. Qu'est-ce qu'elle représente, cette figure de Ben Bradlee aux États-Unis? Ben Bradlee représente une certaine façon de faire du journalisme, représente l'âge d'or du journalisme d'enquête aux États-Unis. Et c'est vraiment un personnage qui a défini, si on veut, le journalisme américain, là, dans le sens hollywoodien du terme. C'est-à-dire que c'était un personnage avec une prestance particulière, avec un caractère particulier aussi, assez affirmé. Et c'est cette légende-là qu'il va devenir, notamment en raison du scandale du Watergate et des Pentagon Papers, vous l'avez dit, qui va devenir une figure du journalisme américain, mais qui va inspirer les jeunes à se lancer en journalisme. C'est quelqu'un qui a défendu toute sa vie la liberté de presse, cette idée que les médias sont le contre-pouvoir par excellence aux États-Unis. Il aura instauré des normes de rigueur aussi, de qualité dans le journalisme américain, au Washington Post aussi, mais ça aura des répercussions évidemment dans les autres médias. Et c'est quelqu'un qui va également tout faire pour atteindre cette vérité, pour essayer de décrire la vérité telle qu'elle est et non pas une vérité interprétée par les manigances du pouvoir. À la fois, donc l'archétype du journaliste, à l'époque, il faut bien le spécifier où la presse compte, la presse a un pouvoir qu'elle n'a peut-être plus, mais c'est ça, Ben Bradlee, le rêve américain en matière de journalisme. Tout à fait. Et il faut dire qu'il apparaît à une époque où le journalisme est en essor aux États-Unis, un peu partout dans le monde occidental aussi. C'est la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Alors moment-là, c'est la reconstruction de l'Europe, c'est le communisme un peu partout dans le monde, ce sont les révolutions aussi à certains endroits du globe, c'est le maccartisme aux États-Unis, c'est une espèce d'ouverture culturelle aussi qu'on ne connaissait pas auparavant. Donc, il arrive à cette période-là avec les qualités et les défauts qu'il a et il va faire du journalisme américain, effectivement, une façon d'atteindre ce rêve, comme vous le dites, une façon de s'inscrire dans la mémoire des gens. Un travail d'enquête qui va faire tomber un président, c'est pas rien. Mais ce qui est fascinant, puis vous l'évoquez, c'est que c'est à la fois le travail qui va ressortir de... Il est rédacteur en chef, au moins deux grandes histoires, puis on va y revenir, le Watergate et les Pentagon Papers, deux enquêtes qui... le travail même de l'enquête qui mérite d'être souligné en matière de qualité journalistique, mais aussi cette défense de la presse comme contre-pouvoir, parce qu'il va se retrouver, on en a parlé quand on a fait l'émission sur les Pentagon Papers, mais il va se retrouver en Cour suprême, Ben Bradlee, pour défendre la liberté de la presse. Et il va dire que c'est plus important que tous. Les journalistes ne sont pas là pour se faire aimer, ils sont là pour faire sortir la vérité. Et si ça coûte le poste à quelqu'un, si ça veut dire brasser un peu les politiciens... Et même si ça veut l'intérêt de la sécurité nationale... est un peu en jeu. Ouais. Le risque est nécessaire, justement, parce que les journalistes incarnent cette transparence de la démocratie. Et ça, il va y tenir toute sa vie. Il en vient quand à s'intéresser? Ça commence quand, dans sa tête, ce rêve de devenir journaliste? Ça commence très tôt, en fait. Il a fait des études à Harvard et il a souhaité devenir journaliste dès ce moment-là. Il est allé combattre sur le front du Pacifique pendant la Deuxième Guerre mondiale en se disant « Quand je reviendrai, je devrai trouver une profession qui va me donner autant d'adrénaline, autrement dit, que ce que j'ai vu, que ce que j'ai vécu en étant soldat. » Et c'est comme ça qu'il va décider d'être journaliste. Il va trouver que c'est une profession qui est à la fois glamour, à la fois sérieuse aussi, qui lui donne une certaine aisance, une certaine prestance également, qui lui donne une capacité de parler aux gens aussi, de se promener. Ce qu'il veut, c'est voyager à travers le monde. Il veut être correspondant à l'étranger. Et c'est ce qu'il va faire très rapidement. Quand il revient de la guerre, il va trouver un poste d'attaché de presse à l'ambassade des États-Unis à Paris. Et ensuite, il travaillera pour Newsweek comme correspondant à l'étranger aussi en Europe. Donc, c'est à Paris qu'il réalise ce rêve de gamin, presque, de devenir correspondant à l'étranger. C'est les grandes années du journalisme. Oui. Les journalistes ont un statut, sont respectés à cette époque-là. C'est Paris. Parlez-nous un petit peu de cette période-là. C'est la belle vie pour lui à Paris. C'est la belle vie. C'est il est là avec qu'il rencontre femme. Sa deuxième femme, oui. Oui, mais d'abord, il arrive avec sa première femme, Jane, et avec son fils, Ben Junior. Et effectivement, c'est la belle vie. C'est le ski dans les Alpes, c'est la fréquentation du gratin culturel et politique du moment. Ce sont les maîtresses aussi. C'est la vie un peu de luxe, dans les bons restaurants, dans les bons... boire du bon vin, etc. Ouais. Donc, la vie presque caricaturale qu'on peut imaginer à Paris. Et c'est là, effectivement, qu'il va rencontrer sa deuxième femme, Antoinette Pinchot, en octobre 54. Il va abandonner femme et enfant pour se marier avec elle deux ans plus tard. À Paris, c'est peut-être là, au fond, où il va réaliser son premier grand coup comme journaliste. En 1957, Karine Prémont, il publie un article sur le FLN algérien. Ça va lui valoir d'être expulsé de France. Oui, parce qu'il parle, il interview des membres du FLN. Alors, on comprend que les dirigeants français ne sont pas tellement satisfaits de ça. Ils vont demander son expulsion du pays. Il faut dire qu'on se pose beaucoup la question à ce moment-là chez les dirigeants français. Est-ce qu'il ne serait pas un peu espion aussi? Parce qu'il a eu ce poste à l'ambassade américaine à Paris, parce que sa belle-sœur, la sœur d'Antoinette Pinchot, est mariée avec un agent de la CIA. Alors, il y a un petit doute aussi. On se dit, en même temps, ça sert de prétexte pour l'expulser également, mais on se dit, s'il décide de s'acoquiner avec les rebelles du FLN, avec le background qu'il a, peut-être qu'on serait mieux de s'en débarrasser. Et c'est ce qui va arriver. Il sera muté à Washington, D.C. Il va travailler pour le Newsweek à ce moment-là pendant plusieurs années. Il fera du fait divers. En fait, il va dire, c'est comme ça que j'ai appris à écrire, parce que je vais devoir... il devait publier plusieurs reportages par jour, mais c'est ce qu'il fera à son retour de Paris. Ben justement, parlons de cette période où il revient aux États-Unis, à Washington, au magazine Newsweek toujours. Il va se lier à ce moment-là. C'est pas rien. C'est un journaliste vedette. Il va se lier d'amitié à John Fitzgerald Kennedy, qui va devenir président des États-Unis. D'abord, comment ils se rencontrent, ces deux hommes-là, puis qu'est-ce qui fait que ça clique entre eux? Il se rend compte de la façon la plus simple qui soit, c'est-à-dire que Bradlee va s'installer dans le quartier de Georgetown, qui est un quartier plutôt huppé de Washington, D.C., et Kennedy sera son voisin. Donc, ils vont se rencontrer comme ça. Tous les deux ont une jeune famille, de jeunes enfants. Alors, très rapidement, ils vont se lier parce qu'ils se ressemblent beaucoup. Ils viennent tous les deux de Boston. Ce sont tous les deux des vétérans de la Deuxième Guerre mondiale. Ils ont fait des grandes écoles, proviennent de l'Ivy League. Ouais. Deux séducteurs, deux hommes très sûrs d'eux. C'est un genre d'homme, on dirait, à cette époque-là, qui justement ne doute jamais jamais de leur place dans le monde, ne doutent jamais de leur potentiel. Mm-hmm. Et donc, très rapidement, ils vont se reconnaître l'un dans l'autre et ça va former une amitié là, plutôt compacte. Les deux familles vont beaucoup se fréquenter dans ces années-là. Oui, mais c'est évidemment une amitié qui pose certaines questions sur le plan de l'éthique, des questions sérieuses. Encore une fois, Ben Bradlee, ce qu'il représente à Washington, un journaliste vedette, John F. Kennedy, qui est président des États-Unis, ces gens-là se voient plusieurs fois par semaine. Oui. On en parle de cette relation-là, de ce que ça va vouloir dire. Il y aurait des problèmes, il y aurait des bénéfices aussi pour Bradlee dans cette relation-là. Mais d'abord, je vous propose d'écouter Sally Quinn, qui est la troisième femme de Ben Bradlee, qui va décrire justement dans l'extrait qu'on entend cette relation entre son mari et le président Kennedy, extrait de la série Build, présentée par la chaîne YouTube en 2017. You know, he loved Kennedy, and they were Ben and his then wife Tony and Jack and Jackie were neighbors. Il adorait Kennedy. Ben, Tony, sa femme de l'époque, Jack et Jackie étaient voisins. Et ils étaient de très bons amis. Lorsque les Kennedy sont déménagés à la Maison-Blanche, Jack Kennedy se plaignait de la difficulté de s'y faire de nouveaux amis. Alors Ben et sa femme s'y rendaient pour souper avec eux trois fois par semaine. Dès le début, Ben a dit à Jack, « Je vais prendre des notes chaque fois que je vais venir ici. Je veux que tu le saches. » Jack était d'accord. Les deux connaissaient les règles du jeu. Mais Jack avait dit, « Je ne te demande qu'une seule chose, soit d'attendre 10 ans après ma présidence avant d'imprimer quoi que ce soit. » Et Ben a attendu 10 ans après l'assassinat avant de faire paraître ses conversations avec Kennedy. Vous savez, il a aussi publié un article à un autre moment qui a déplu à Kennedy. Et ça lui a valu d'être banni de la Maison-Blanche pendant 3 mois. C'est très particulier, cette relation qu'ont ces deux hommes, de par la position que chacun d'eux occupe. Comment ça va se vivre concrètement, cette relation, cette amitié particulière entre Bradlee et Kennedy? Est-ce que l'un ou l'autre vont, d'une certaine manière, profiter de cette relation-là, Karine? Ils en profitent tous les deux, ouais. Effectivement. Et Bradlee dira que de voir un de ses très bons amis devenir président, c'est la chose la plus extraordinaire au monde. C'est une expérience unique. En même temps, il était très conscient de ce problème que ça pouvait soulever. Il y a beaucoup de journalistes, d'ailleurs, qui trouvaient que c'était tout à fait inapproprié que Bradlee continue à voyager avec Kennedy, ce qu'il fera régulièrement quand celui-ci était président. Il était critiqué. Il était critiqué. Il disait, je suis capable de faire la part des choses. On le voit, sa femme dit, il a avisé Kennedy qu'il prenait des notes, mais il va admettre plus tard que c'était une erreur en termes éthiques, effectivement. Ouais. Mais, et Kennedy aussi va bénéficier de cette amitié-là, évidemment. Avoir un ami journaliste, c'est jamais un problème, généralement, mm-hmm. parce qu'on s'assure d'avoir une certaine presse positive à tout le moins, et c'est ce qui va se produire régulièrement. Mais un des avantages peut-être les plus concrets que Bradlee va retirer de cette amitié-là, c'est quelques scoops, évidemment, notamment, peut-être le plus important, en février 62, concernant un échange d'espions. Donc, c'est Francis Gary Powers qui avait été capturé au-dessus de l'URSS en 1960 à bord de son U-2. Il faisait des vols de reconnaissance et il sera échangé aux États-Unis contre Rudolf Abel, qui est un important espion russe, et ça va se faire sur le fameux pont des espions à Potsdam. Donc, c'est devenu un échange de prisonniers célèbre pendant la guerre froide. Évidemment, cette information-là, Kennedy la donne à Bradlee en disant « Ça va sortir dans quelques heures, mais si tu veux avoir l'exclusivité, c'est maintenant. » Et Bradlee va la refiler au Washington Post. Newsweek vient d'acheter le Washington Post à ce moment-là. Il est trop tard pour changer la une du magazine. Alors, c'est le Washington Post qui publiera cette nouvelle-là en exclusivité. Donc, ça aussi, ça va contribuer à faire de Bradlee un journaliste qui compte. Oui. En 65, il va devenir... Parce qu'effectivement, c'est important quand le Washington Post achète Newsweek, Bradlee va être derrière ça. Il veut que la transaction se fasse. Oui, tout à fait. Et ça va lui profiter parce qu'en 65, il va devenir donc directeur. Il prend la direction du Washington Post en 1965, rédacteur en chef à partir de 68. Quand il arrive à la direction du Washington Post, de quoi a l'air ce journal-là? Ce journal-là est considéré comme un journal de seconde catégorie, un journal de province. C'est un journal qui n'est pas du tout un rival pour le New York Times, par exemple, pour quelque journal que ce soit. En fait, là, c'est vraiment un journal très local. Mm-hmm. Et Bradlee va complètement le transformer, va doubler l'électorat de ce journal-là en quelques années. Et il va faire de ce journal-là une institution médiatique et quasi politique aussi avec cette affaire du Watergate. Embaucher beaucoup de journalistes aussi. Il met le paquet, il double l'électorat, mais mais c'est parce qu'il y met le paquet. Code, parler de sa rigueur. Oui, il des, normes des normes de rigueur journalistique là, qui vont faire référence par la suite. Il embauche une cinquantaine de jeunes journalistes. Et un de ses talents, c'est de repérer le potentiel chez les gens. Il va embaucher une cinquantaine de jeunes journalistes là, très, très dynamiques, très téméraires aussi, d'une certaine façon. Ça en prend pour faire du journalisme d'enquête. Il va aussi beaucoup s'intéresser au développement de la couverture des événements internationaux. Il va dire c'est important pour les États-Unis. On ne doit pas rester juste centré sur nous. Alors, il va créer aussi la section style du Washington Post, c'est-à-dire une section où on va beaucoup parler de politique et de culture. On va commenter la vie mondaine du Washington, D.C. et les gens, les hommes de pouvoir et les femmes de pouvoir vont craindre de se retrouver dans cette section-là. Donc, d'entrée de jeu, il établit son style. C'est quelqu'un qui est plutôt agressif et qui va exiger de ses journalistes le meilleur d'eux-mêmes. Et puis, au début des années 70, donc, c'est deux grands coups de tonnerre dans le ciel politique américain. Il y aura le Watergate, sur lequel on va revenir dans un instant. Mais d'abord, en 71, la publication des fameux Pentagon Papers. On a fait une émission là-dessus. Mm-hmm. En quelques mots, de quoi on parle? Quel rôle aura Bradley dans la publication des Pentagon Papers? Les Pentagon Papers, c'est en juin 1971, quand le New York Times va publier un rapport très détaillé sur les errements des administrations essentiellement démocrates pendant la guerre du Vietnam, depuis Truman jusqu'à Johnson. Et ça va créer une onde de choc, évidemment, parce que c'est là que la population va réaliser que les présidents leur mentent depuis très longtemps concernant le Vietnam. Et c'est le New York Times qui commence le bal en publiant ces articles-là. Le New York Times sera ensuite accusé par Nixon et seront devant la cour, iront devant la cour parce qu'on va demander la suspension de ces articles-là en invoquant la sécurité nationale. Le New York Times évoque, quant à lui, la liberté de presse. Et pendant le temps de ce procès, alors que le New York Times ne peut plus publier les articles. C'est notamment le Washington Post qui va prendre le relais, qui va décider de continuer la publication. Et la Cour va donner raison aux médias en disant la liberté de presse prime sur la sécurité nationale. Puis encore là, il y a les deux facettes de Bradley, journaliste, qui veut que cette enquête se poursuive. Le travail se poursuit donc sous ses ordres, entre guillemets. Mais le Bradley, un peu politicien, qui se bat pour le principe. Il y a des enjeux très, très importants financièrement pour le Washington Post, mais qui décide de quand même aller jusqu'en Cour suprême parce que le principe vaut la peine d'être défendu. La poussière est même pas retombée de cette histoire des Pentagon Papers qu'arrive cet autre grand coup de tonnerre en 1972, le début de la publication d'une série d'articles qui va conduire au scandale du Watergate. À nouveau, Ben Bradley à l'émission Actualité 24 le 17 avril 1973. Monsieur Bradley, les espions ont été arrêtés, ils ont été condamnés et deux d'entre eux ont fait des révélations. Et la police fédérale, le Parti républicain, la Maison-Blanche, l'entourage du président ont été éclaboussés par cette affaire. Est-ce que les vrais coupables seraient des intouchables? On peut espérer que non. Je pense que les vrais coupables ne sont pas identifiés encore. Il y a sûrement des gens plus haut que celle-ci dont on sait les noms, mais... il faut que l'enquête du Sénat et aussi nous avons un grand jury qui fait encore des études là-dessus. I have never been a quitter. Je n'ai jamais abandonné les choses que j'entreprenais. Quitter mes fonctions avant la fin de mon mandat va à l'encontre de ce que je suis. Mais en tant que président, je dois mettre de l'avant les intérêts de l'Amérique. Par conséquent, je démissionnerai de mon poste de président demain à midi. I shall resign the presidency effective at noon tomorrow. Ben Bradley en entrevue en avril 1973, suivi de Richard Nixon, qui annonçait sa démission comme président des États-Unis au mois d'août 1974. C'est son grand coup de maître, Karine Prémont, à Ben Bradley, le Watergate. Oui, parce que pendant 18 mois, il n'y a aucun autre journal qui suit cette affaire-là. Il n'y a personne d'autre qui s'intéresse à l'affaire du Watergate, alors que les journalistes du Washington Post, Bob Woodward et Carl Bernstein, travaillent d'arrache-pied. Bradley va s'intéresser, va leur donner l'espace nécessaire, mais va exiger d'eux une rigueur impeccable. Ouais. Il va demander de pouvoir prouver toutes les allégations qu'ils font. Et très rapidement, en quelques mois, ils vont réussir à relier le Watergate à la Maison-Blanche. Ensuite, ça prendra plusieurs mois pour faire le tour de l'affaire, mais La propriétaire du Washington Post va dire à Bradley, mais on est les seuls à couvrir ça. Comment peux-tu justifier qu'on continue? Et je vais le citer, il a une réplique intéressante. Il dit, écoutez, il y a 5 hommes en costume qui ne parlent qu'espagnol, qui portent des lunettes noires, des gants chirurgicaux, qui ont en poche des billets de 100 $ flambant neufs, ont des stylos qui contiennent du gaz lacrymogène sur eux. Ils se trouvent à minuit au siège du Comité national du Parti démocrate. Il faut être Richard Nixon lui-même pour penser qu'il n'y a pas d'histoire là-dedans. Ouais. Donc, lui, il le flaire tout de suite de dire, il y a quelque chose de louche qui se passe là, il faut aller au fond des choses. C'est important, cet instinct. Cet instinct qu'il a et va payer de façon importante parce que le Washington Post, à ce moment-là, devient le journal qu'il est aujourd'hui. Ouais. Le parcours de Bradley, cela dit, ne sera pas complètement sans faille, ce qui nous amène à parler de la fameuse affaire Janet Cook. Les efforts de rattrapage du Post ont été marqués par un incident catastrophique. En 1980, le Post publiait l'histoire bouleversante de Jimmy, un petit garçon noir de 8 ans, drogué à l'héroïne par le concubin de sa mère. Pour cet article, le prestigieux prix Pulitzer a été accordé à l'auteur, Janet Cook, une jeune journaliste noire, soi-disant diplômée d'un grand collège féminin. Mais sous le feu des projecteurs, les diplômes de Janet Cook et même la touchante histoire de Jimmy sont apparus entièrement fabriqués. Ben Bradley a informé la Fondation Pulitzer ce matin que nous ne pouvions pas accepter le prix. À la grande honte du rédacteur en chef Ben Bradley, qui devait avouer plus tard que, dans sa hâte pour embaucher des journalistes noirs, il avait négligé de vérifier le curriculum de Janet Cook. Comme le reportage sur Jimmy, c'était trop beau pour qu'on se risque à le questionner. Extrait de l'émission Le Point Média en novembre 1995. C'est en 1980 que ça se passe, cette affaire-là. Qu'est-ce que c'est, l'affaire Janet Cook, Karine Brémond? C'est exactement ça. C'est une jeune journaliste qui fait des reportages sur le fléau de l'héroïne aux États-Unis et qui va publier le 28 septembre 80 Jimmy's World, cet article qui parle d'un enfant de 8 ans, effectivement, qui prend de l'héroïne depuis qu'il a 5 ans. Ben Bradley, il va le dire lui-même plus tard, on a été arrogant dans cette affaire-là. On a gagné 18 prix Pulitzer depuis que je suis là. Alors, on commence à être un peu trop sûr de nous. On a quand même publié alors qu'on s'est rendu compte qu'elle n'avait pas beaucoup de détails sur le quartier. On est allé se promener avec elle sur les lieu, elle reconnaissait pas trop les endroits, elle n'avait pas de notes à nous démontrer, mais l'histoire était parfaite, la journaliste était parfaite, alors on a publié et il va s'en repentir tout le reste de sa vie, évidemment, il fera son mea culpa, évidemment, et va remettre en cause les procédures de vérification du Washington Post qui seront révisées par la suite. Donc ça, c'est la tâche, la grande tâche au tableau de Ben Bradley. Avec le recul, c'est déjà la fin de l'émission, comment mesurer, Karine Prémont, ce qu'il nous a laissé, l'héritage de Ben Bradley? Le Washington Post, déjà, qui est un journal qui a une réputation, malgré cette tâche à toute épreuve, c'est quelqu'un qui a inspiré, je l'ai dit au début de l'émission, une génération de jeunes journalistes à aller au fond des choses, à ne pas se laisser arrêter par le pouvoir, par exemple, ou par les obstacles qui étaient devant eux. Et il a fait du journalisme d'enquête. Il a donné au journalisme d'enquête ses lettres de noblesse. Et il faut dire, évidemment, qu'il vivait une période où les gens faisaient confiance aux médias. Dans les années 70, 70% des Américains faisaient confiance aux médias. À l'heure actuelle, on parle de 40% des gens qui font confiance aux médias. Alors, il avait ce beau jeu-là. Les gens au pouvoir avaient peur des journalistes. Les citoyens leur faisaient confiance. Alors, il était dans une période tout à fait adaptée à sa personne, à son personnage. Karine Brémond, professeure à l'École de politique appliquée de l'Université de Sherbrooke. Merci beaucoup, Karine. Merci. Si vous avez envie d'écouter ou de rattraper nos émissions, vous pouvez le faire sur le site Internet d'Aujourd'hui l'Histoire ou en vous abonnant à notre balado-diffusion. Ici Jacques Beauchamp, je vous dis à la prochaine.